mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Devant toi sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Et le droit d'être triste quand parfois j'ai le cœur gros, je te l'ai sacrifié. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. Ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Que du bonheur, c'est avec Claude Caron. Michel ne dédaignait pas de parler du tango, et quand il parlait du tango, il avait toujours ce petit mot, toujours ce petit mot. Eh bien, on va écouter Enero pour toi, Michel. Avec Cyril Renaud, ce sera la polka des Griottines. Thank you. qui sera suivi de la tarentelle de l'amitié. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Appartient la vie, c'est une question que l'on peut se poser, mais on pourra se poser toujours cette question. On ne sait pas vraiment à qui appartient la vie, si elle nous appartient, si elle appartient aux autres. À qui appartient la vie? À ceux qui l'aiment, qui se font même des amis de leurs problèmes, qui ne sont pas prêts de se résigner ni de tout laisser tomber. À qui appartient la vie? À ceux qui l'aiment, qui font presque un paradis de leur bohème. À ceux qui un jour pleurent par amour, mais lui font confiance toujours. Notre existence, elle se balance entre une danse et un chagrin. Quelle aventure, mais une chose est sûre, j'appartiens la vie à ceux qui chantent. Une chanson d'Italie, un air de France, à ceux qui sourient, même sous la pluie, comme si rien n'était fini. À qui appartient la vie? À ceux qui donnent, qui ont déjà tout compris et qui pardonnent. À ceux qui sont fous d'amour et de tout, ceux qui font chanter la vie. Lorsque la chance part en vacances, quelle distance qu'elle nous oublie. Et bien qu'importe, à nous de faire en sorte de relever tous les défis. À qui appartient la vie? À ceux qui l'aiment, qui font presque un paradis de leur bohème. Ceux qui chaque fois, quand plus rien ne va, chantent qui vivra verra. Chante-toi aussi pour savoir à qui appartient la vie. À qui appartient la vie? Juste le temps d'une rengaine. Ah, la rengaine. Et ça, les rengaines, il en connaissait un rayon, l'ami Michel. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, nous deux, presque depuis toujours. On s'était promis de s'aimer et surtout d'être heureux, et c'est comme ça qu'on vit chaque jour. Ce que l'on s'était juré, les yeux dans les yeux, sans faire de longs discours. Ce que l'on a partagé, tant de coups, tant de bleus, n'ont pas détruit notre amour. Juste le temps d'une rengaine, d'une chanson qu'on n'oublie pas. Je te redirai que je t'aime, et tous ces mots qu'on dit tout bas. Juste le temps d'une rengaine, d'un tango, d'une rumba. Je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, gravés au fond de moi. Même si le temps nous a surpris, les années ont passé, toi tu ne changes pas. On a connu des matins gris, des hivers, des étés, c'était le printemps au creux de tes bras. Et nos enfants qui ont grandi bientôt vont se marier et nous laisseront là toutes les images d'une vie que je ne veux oublier. Je les ai vécues avec toi. Juste le temps d'une rengaine, d'une chanson qu'on n'oublie pas. Je te redirai que je t'aime, tous ces mots qu'on dit tout bas. Juste le temps d'une rengaine, d'un tango, d'une rumba. Je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, gravés au fond de moi. Juste le temps d'une rengaine, d'une chanson qu'on n'oublie pas. Je te redirai que je t'aime, et tous ces mots qu'on dit tout bas. Juste le temps d'une rengaine, d'un tango, d'une rumba. Je te j'avais écrit pour toi, gravé au fond de moi. Je te redirai les poèmes que j'avais écrits pour toi, que je n'ai dit qu'à toi. L'amour interdit, il n'y avait pas d'amour interdit pour lui. Mais Claude Caron va nous l'interpréter avec son orchestre. Nous menons une double vie, même si le mot n'est pas joli. On appelle cela l'adultère. Nous avons chacun d'un côté quelqu'un qu'on ne peut pas quitter. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à s'aimer en préservant notre secret, pour ne faire de peine à personne. Mais si un jour ça se savait, ce serait dur de décider quel est l'amour qu'on abandonne. Comme on fait pas ce que l'on veut, on se rencontre quand on peut, entre deux rendez-vous d'affaires. Il nous faut trouver des excuses, comme des enfants qui s'amusent à faire l'école buissonnière. Mais nous, nous nous aimons l'après-midi pour un court instant, l'on oublie que notre amour est interdit. Mais nous, nous nous aimons l'après-midi, pour un court instant l'on oublie que notre amour est interdit. On se cache dans un restaurant, et quand il nous reste du temps, on se retrouve dans une chambre. On ferme les rideaux et les yeux pour faire semblant de croire tous deux que l'on passe une nuit ensemble. C'est si facile de juger, les gens peuvent nous accuser de n'être que deux hypocrites. Tant mieux s'ils n'ont jamais été tentés par l'infidélité, mais qu'ils ne jugent pas trop vite. Après tout, on ne sait jamais, ça peut aussi leur arriver. Alors ils pourront mieux comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens qui s'aiment en ayant peur que l'on puisse un jour les surprendre. Mais nous, nous nous aimons l'après-midi pour un court instant, l'on oublie que notre amour est interdit. Mais nous, nous aimons l'après-midi, pour un court instant l'on oublie que notre amour est interdit. Claude Caron nous parle aussi du Nord, puisque c'est son pays. Il nous vient du Nord, Claude. Mmh. C'est tout un monde de géants. Au beffroi qui défie le temps. Où les clochers montrent du doigt des cieux plus hauts que l'au-delà. Le nord n'est plus en noir et blanc comme on l'imaginait avant. Les soirs de pluie sur les pavés sont des clichés du temps passé. C'est en Flandre que les moulins font briller les yeux des gamins. Chant de blé dans le Cambrésis, forêt et fée du Val Joli. Des marées de l'eau d'Aumarois aux fières collines de la. Les gens du Nord sont généreux. Avec eux, on se sent heureux. C'est la bière qui les fait chanter. C'est la fête qui les fait danser. Mais un soir, dans un petit bal de Ducasse ou de carnaval, le sourire d'une fille jolie fera basculer une vie. Et un jour, fruit de leur union, peu importe fille ou garçon, naîtra le plus beau des bambins à coup sûr le petit quinquin. Le Nord, je suis né, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon baby, c'est là que j'ai grandi, c'est là où j'ai ma vie. C'est tout un monde de géants au beffroi qui défie le temps. Où les clochers montrent du doigt des cieux plus beaux que l'au-delà. De la baignoire au vert bocage, jusqu'au bout des immenses plages. C'est mon heure qui se fait si beau, tout en couleur. Le Nord est mon pays, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai grandi. Le Nord est mon pays. Viva Carolina! Alors là, je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir. On va danser le Madison? Eh oui, le Madison, ces danses, une de ces danses qui a fait le bonheur, j'allais presque dire du plancher des vaches, pourquoi pas? Et sur la cadence tu peux taper des mains. Allez, viens danser le Madison Cajun. C'est bon de chanter sur le même refrain. Pas besoin d'être polytechnique, d'HEC ou de l'ENA. Quand on a le goût de la rythmique, c'est facile, on y va. On commence à 10, puis on se retrouve à 30. Peu de temps après, on est 200. C'est le grand moment de la détente. Allez, en ligne, suivez le mouvement. Allez, viens danser le Madison Cajun. Et sur la cadence, tu peux taper tes mains. Allez, viens danser le Madison Cajun. C'est bon de chanter tous sur le même refrain. Danser le Madison Cajun. Et sur la cadence tu peux taper des mains. Allez, viens danser le Madison Cajun. C'est bon de chanter tous sur le même refrain. Avec ce tango-là, c'est un tango qui va nous dire que je n'ai qu'un seul amour, c'est toi. Je ne pourrais vivre sans toi. je n'existe de pas. Tu as changé en peu de temps ma tristesse et sourire. On rêve à deux, c'est émouvant, vers le même avenir. Je n'ai qu'un seul amour, c'est toi. Quand tu danses dans mes bras, on vit la vie d'un même pas, unis aux mêmes joies. J'ai trop besoin de ta main pour découvrir demain son chemin sans détour. Au grand jour, c'est toi mon seul amour. Les vivas, les bravos, Pierre Péribois. Péribois, on danse au bal musette. Et alors, après, tout de suite après, c'est une question que Pierre Péribois se pose. Où sont passés les bals musettes ? jardin au clair de lune, de la boule noire au balajon. C'est là qu'on venait chercher fortune, au son des valses et des tangos. Chez Gégène, il y avait de la frite, sur la marne on décanotait. Entre deux tranchées de musique, c'était ça notre déjeuner. Où sont passés les bals musettes, quand on venait sans canailler. Avec Ritou, les belles mirettes, Fredo le dur ou gueule d'acier. J'ai la nostalgie du muset, du temps de mes jeunes années, quand on frétillait des gambettes, c'était du bonheur au lousdé. Les balmusettes, quand on venait sans canailler. Avec Criton, les belles mirettes, Fredo le dur ou d'acier. J'ai la nostalgie du musée, du temps de mes jeunes années. Quand on frétillait des gambets, c'était du bonheur en lousdé. On reverra les balmusettes qui ont fait briller nos 20 ans. Les marlots et les midinettes qui faisaient chanter ma corlan. J'ai la nostalgie du musette, du ballon, son accordéon, du petit vin blanc et des guinguettes qui nous faisaient le coup du frisson. Du musette, du temps de mes jeunes années, quand on frétillait des gambettes, c'était du bonheur en lousdé. On va terminer avec cette mélodie. Tant qu'on aura des balmusettes, et ça, Michel, je crois qu'il l'aurait aimé aussi. Pour faire la fête, il y aura de la joie tous les dimanches. Des tangos, des boléros et des cœurs qui flanchent. Tant qu'on aura des balles musettes et trois temps pour les amourettes. Il y aura de l'ambiance le samedi, des nuits de java, des nuits d'espoir, des petits bisous derrière les salles des fêtes. Et trois temps pour les amourettes. Il y aura de l'ambiance le samedi, des nuits de java, des nuits d'espoir, des petits bisous derrière les salles des fêtes. Voilà, cette première partie de l'émission est terminée. Pour autant, elle n'est pas finie. Comme la toute première partie de cette émission, cette deuxième partie est consacrée à notre ami Michel. Michel qui vient de nous quitter pour aller retrouver ses amis musiciens tout là-haut dans les étoiles. Michel aimait beaucoup ses musiques et chanteurs d'autrefois. Alors, si vous le voulez bien, nous allons l'accompagner encore pendant près d'une heure avec ses vieilles chansons d'autrefois qu'il affectionnait tout particulièrement. Et on commence tout simplement avec une chanson qu'une auditrice lui dédie, parce que cette chanson-là, eh bien, elle l'a découverte dans une émission de Michel. Dario Moreno, pardon pour notre amour. Santa Maria, en notre nom, je viens à vous près de la croix. Je viens à vous avec ma foi. Implorez votre pardon. Si j'ai péché, c'est par amour. Si j'ai douté, c'est par amour. Si cet amour devait finir, je n'aurais plus qu'à mourir. Pitié pour ma détresse quand elle est loin de moi. Pitié pour nos ivresses quand je l'ai dans mes bras. Pardon, Santa Maria, pour qu'il dure toujours. Pardon, je vous supplie, pardon pour notre amour. C'est par amour. Si j'ai douté, c'est par amour. Si cet amour devait finir, je n'aurais plus qu'à mourir. André Claveau va nous interpréter Cerisier rose et pommier blanc. Une façon à nous, avec ses fleurs de cerisier et ses fleurs de pommier, de lui rendre cet hommage. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. avec ses airs de demoiselle. Cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage. Non, non, quand de lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour les demoiselles, trimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, prenez-en la ritournelle, tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose et pommier blanc. Combien de fois n'a-t-il pas passé les roses blanches de Berthe Silva pour telle ou telle dédicace? Eh bien, c'est pour toi, Michel, les roses blanches de ce dimanche. C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère, une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il le disait en les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va, quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman. Printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend.

coucou. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Blanche sur une branche, une colombe chante au jardin. Triste un pigeon près d'elle, battant de l'aile, roucoule en vain. Et moi je pense à celle, si peu fidèle que mon cœur aime. Quand le printemps bourgeonne, filles et pigeonnes sont bien les mêmes. Ta pigeonne est frêle, la mienne est belle comme le jour. Si la tienne est coquette, la mienne est faite pour les amours. Vole d'un seul coup d'aile, vole vers celle que j'ai en tête. Et ce soir à ta peine, mêlons la mienne pour moi, répète. C'est avec regret que la guinguette a fermé ses volets. C'est un peu le signe que Michel n'est plus là. Damien nous interprète cette chanson. La guinguette. Et a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran les profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Rythme des pas incertains, soudain serait-ce l'heure, et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure, des jurons de voix mal et des râles, la chute de corps lourds, hargneux des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine au choc la fureur des costauds en sueur qui roulent et qui s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le calme revient brusquement, vraiment, était-ce un leurre? Pourquoi ces sanglots convulsifs, furtifs, des femmes pleurent? Là-bas, un groupe traîne vers la Seine, quelques paquets maudits qui sombrant la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, joyeux triolets de l'accordéon fuse. Les lampions éclairent discrets, les couples guilleraient en leurs ombres confuses. On dit que ce soir le costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent est sorti très gai, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets. La guinguette avait mis ses volets. Édith Piaf, Les Trois Cloches, c'était en 1946. Michel aimait beaucoup cette chanson. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit est étoilée. Nico, qu'il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit enfant, demain des heures à l'heure. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, notre faible qui réclame protection dans les amours. Loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, car on est moi le Jean-François, prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de palmier, devant Dieu.

Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi et voilà tout. Luis Mariano, la belle de Cadix. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers sont là, si dans la posta on apprend qu'elle dame. Et pour ces jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Et malgré l'engagement, la belle de ne veut pas de namas. La belle de Cadix a les yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival, tu as le clair de lune. Et Pedro le matador, vous l'aimez plus encore, donnerai sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix est parmi eux bonjour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une vie dans le monde, une bruit, toutes les séguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Saint-Andilia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au couvent. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. Cette chanson-là, interprétée par Édith Piaf, elle a un vrai sens pour Michel, l'accordéoniste. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, les doigts s'égainant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique, où son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste. Il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux et les doigts s'équellent de l'artiste. Elle y rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette

toujours pour se rappeler qu'il était parmi nous il n'y a pas si longtemps. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes. Temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Jean Sablon et Mireille, puisque vous partez en voyage. Et Michel fait aujourd'hui un grand voyage. C'est gentil de m'avoir accompagné à la gare. En me voyant, monsieur. Ah, si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé? Remarquez que 15 jours, c'est pas très long. Alors, évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Vous resterez seul sur le quai. Et je vous verrai de la gare me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours. Et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Oh, Tu crois que je serais très bien? Et puis je vous ai acheté deux livres. Ah? Et voilà le premier, c'est La vie des saintes. Et l'autre, c'est L'imitation de la bienheureuse Ernestine. Ça vous plaît, ça? Beaucoup. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages. Tous les matins ou davantage. Pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. Le cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage. Et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Eh oui, Jean Tranchant avec Les jardins nous attendent. Eh oui, les jardins l'attendent, Michel. Il va pouvoir se promener là-haut. Voici venir l'été, les parfums de la terre sont pleins de volupté. La chambre est trop petite pour notre grand amour. Allons-nous-en bien vite, il paraît qu'allons-nous. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amourer. Que feraient les pauvres rosiers? Ils n'entendaient plus nos baisers. Les fleurs sans qu'on leur demande ont des parterres merveilleux. Et dans mes bras tu veux. Les oiseaux sont jaloux, mais ils chantent pour nous. Et pendant la semaine, vous tous qui m'écoutez, redonnez ma rengaine sans plus impatienter, car viendront les dimanches, le ciel sur le beau temps. Nous irons sous les branches, murmurer tendrement. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Les pauvres rosiers, ils n'entendaient plus nos baisers. Et dans mes bras tu m'aimerais. Les oiseaux sont jaloux. Mais il chante pour nous. Maurice Chevalier, ça s'est passé un dimanche. Mais combien de dimanches Michel a-t-il passé devant son micro à la radio de sa radio? Sorgia FM. Elle a avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Bécon-les-Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il suffisait que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui était pas dans sa manche. Si bien qu'il invita la jolie dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir. Mais son cœur battait très fort sous son corsage, elle lui jura de le revoir. Elle le revit toute la belle saison, un merle m'a conté. Qu'on ne voyait que sous les frondaisons, et même, oh, qu'elle a fauté. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Elle avait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur dans les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il. Voyons, c'est pas le moment que tu planches. Ah, ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau. Pour que l'enfant ait un père, le père étant un homme sensé, ne trouva rien de mieux que d'épouser la mère, c'est rien, mais fallait y penser. Il n'y pensa que 15 ans plus tard, c'est pour cette raison-là. Le jour des noces, on vit leur moutard qui dansait la java. Allez, au bord de l'eau. Dans une baraque en planche qu'on baptise au printemps caboulot. Et pendant que les copains, après les petits gâteaux, faisaient une bolotte en trois manches, afin de revoir l'endroit de leur premier béco, ils s'enfuirent tous les deux sous les branches. Tu m'aimes, mon homme, je t'aime, ma femme. Ça s'est passé un dimanche, au bord de l'eau, c'est tout. On va terminer avec Rina Ketty. J'attendrai. Eh oui, on l'attendra, mais il ne reviendra pas. Au revoir, l'ami. J'écoute en vain, hélas plus rien.